temps. Les histoires d'amour, je n'ai pas le temps et tu le sais. Mes soirs se, je mets de côté mon côté qui est bloqué. Je m'approche d'elle, je lui fais ma copine. On se connaît. Elle me répond, je te connais mais tu me connais pas. C'est toi qui chantes du cinéma, du cinéma. Ça lui fait mal, ça lui fait mal. Les gars comme toi, on vous connaît. Idéal, idéal. Tu sais pas que je pourrais devenir ton idéal. Y'a trop de regards sur nous, viens, on démarre. On démarre, on démarre. J'ai pas d'idée derrière la tête. Je ne suis plus bloqué dans la tête, ah non. Avant de faire le tour de la terre, ma belle, fais un tour sur toi-même, ah ouais. Tu me banalises. Ma chérie, faut bien m'analyser. Tu es dans mon viseur. Attention, je suis bien trop rusé, tu le sais. Idéal, idéal. Les jaloux me dérangent. Loin d'ici, on démarre. J'ai capté que notre histoire les démange. Idéal, idéal. Loin d'ici, on démarre. Idéal, idéal, idéal. Et tu le sais, c'est ton avis. Tu veux mon avis? Monte dans l'avion et viens dans mon navire. Je suis pas du genre à m'inventer des vies. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Le temps c'est de l'argent, j'ai de l'argent qui défile. Ma belle prend un selfie. Tu n'as pas besoin de filtre. Toi et moi sur les champs, on est en mots. Prends ce que tu souhaites dans le zingam. Brolique dans le kiosa. Bonnie et Clyde, la Tessie. Idéal, idéal. Tu sais pas que je pourrais devenir ton idéal. Tu es dans mon viseur. Attention, je suis bien trop rusé, tu le sais. J'ai pas d'idée derrière la tête. Je ne suis plus bloqué dans la tête, ah non. Avant de faire le tour.